Au-dessus du tunnel du train, il y a un grand tuyau rouge. Il fait au moins combien, 5 mètres? Ouais, 5 mètres. T'as un signal, là, comme ça? T'as un signal, là, Folie? T'as un signal, là, comme ça? T'as un signal, là? T'as un signal, là, comme ça? T'as un signal, là? T'as un signal, là, comme ça? T'as un signal, là? T'as un signal, là, comme ça? T'as un signal, là? T'as un signal, là, comme ça? T'as un signal, là? T'as un signal, là? T'as un signal là? Oui. Bonjour. Respire. Respire.